cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue à une toute nouvelle édition de l'émission de la Fierté Gauche sur les ondes de CIFOU 89.1 en compagnie du succulent Lucas Hubert à la console. Bonjour. De notre invité spécial, Maxime André. Bonjour. Et de moi-même, Sébastien Gartin. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de la candidature de Vincent Marissal, possible candidature, bien que, et du budget provincial. Mais avant, parlons de nos semaines. Ben oui. Hein? Ben oui. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, finalement, j'ai réussi, après des années d'efforts, à trouver un exemple d'accommodement déraisonnable, hein? Mais ça n'a pas encore été accordé, fait qu'on peut encore peut-être se sauver l'accommodement. Pour ceux qui ont vu ça passer, c'est un Français à Vancouver qui était serveur dans un restaurant qui s'est fait licencier. Puis bon, il a fait appel au tribunal des droits de la personne en disant que bon, la raison pour laquelle il avait été licencié, c'est parce qu'il était, et je cite, malpoli, agressif et irrespectueux. Puis lui a dit que ben en fait c'est sa culture française, hein, qu'on pouvait pas lui enlever ça parce que c'était son identité en tant que Français, le fait d'être malpoli, agressif et irrespectueux. Alors, QS veut le recruter comme candidat dans Plateau Mont-Royal. Mais sinon, c'est une note un peu plus sérieuse. On a appris que Hawaï, bientôt, puis il y a d'autres États qui pensent suivre, ils vont suivre ça, va voter une loi contre les loot box dans les jeux vidéo. Les loot box, en fait, je ne sais pas s'il y a une traduction officielle en français. Les boîtes à butin. Les boîtes à butin, c'est bien dit, oui. Les boîtes à butin dans les jeux vidéo, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le fait de payer directement avec ta carte de crédit pour avoir une boîte que tu ne sais pas c'est quoi qu'il va y avoir dedans. Mais là, ils vont dire, par exemple, si tu achètes la boîte, tu as des chances d'avoir, je ne sais pas moi, Darth Vader. Juste que ça soit clair, on parle de boîtes virtuel, là. C'est du contenu virtuel du jeu. Là. Exact. Il y a eu quand même pas mal de scandales entourant les loot box dernièrement. Bon, vous savez, probablement, on avait parlé ici justement de Battlefront 2, le dernier Star Wars de EA Games qui a fait un pas pire scandale au point où ils ont fini par enlever le système de loot box. Temporairement, effectivement. Le temps que le monde oublie le scandale, là, mais ouais. Effectivement. Donc, il y a effectivement des abus, mais il y a aussi beaucoup de craintes que, en fait, ça joue sur l'addiction à certains jeux, puis que ça soit, dans beaucoup de cas, des enfants qui jouent à des jeux sur la tablette ou le téléphone de leurs parents, puis que finalement, ils se mettent à acheter des trucs, puis que, bon, il y a eu quand même des cas documentés de ça. Le problème, oui, peut-être ça mériterait d'être réglementé. Le problème, c'est que la manière qu'ils veulent réglementer ça présentement, c'est qu'ils présentent ça en fait comme du gambling, comme si c'était un casino en fait, la loot box. Puis bon, ça l'ouvre quand même certaines portes à des choses qui pourraient être malsaines. Par exemple, dans la plupart des États américains, t'as besoin pour avoir le droit de faire du gambling, t'as besoin d'avoir 21 ans et plus. Donc, si la loi dit que un jeu vidéo avec des loot box dedans, c'est du gambling. Ça veut dire que ces jeux vidéo-là vont être interdits d'achat par les personnes mineures. Ça, c'est sans compter les États où ce que le gambling est juste complètement illégal, en fait, là. Exact. Et un autre problème, c'est qu'aux États-Unis, le gambling est illégal. C'est pas simplement illégal d'offrir du gambling, c'est aussi légal d'en faire. C'est-à-dire que la personne qui se ferait prendre à acheter un de ces jeux vidéo-là pourrait elle-même avoir une amende. Mettons le SMAT au Delaware qui décide d'acheter le jeu, même s'il est illégal au Delaware, qui va l'acheter au Minnesota, puis qu'il le ramène au Delaware, parce qu'au Delaware, il n'y a rien que ça à faire, gamer, de toute façon. j'ai appris ça grâce à John Oliver. Donc là, ben, ils ramènent le jeu chez eux au Delaware, puis là, ben, il se fait pogner par la police parce qu'il a joué un jeu illégal. Mais comment qu'on ajoute un jeu au Delaware en 2018 et qu'on le ramène? Dans ma tête, on l'ajoute toujours par voie numérique, non? Bon, en tout cas, tu prends un VPN, tu dis que tu habites au Minnesota, puis... Et ça, c'est légal. Ou tu t'en vas... C'est pas illégal. Tu changes d'état avec ton... tu changes d'état avec ton ordinateur portable, tu l'achètes dans un autre état, puis tu reviens. Bon, ben ça se fait, ça. Ben oui, il y a moyen de... Hein? Mais bref... Il y a effectivement peut-être la législation à faire à l'entour des loot box, mais il faudrait peut-être quelque chose de plus nuancé, genre obliger les entreprises à dire d'avance dans les lootbox c'est quoi tes chances de gagner, parce que souvent ce qu'ils vont dire c'est bon, on va prendre l'exemple de EA Games justement, ben ils vont dire si t'achètes la lootbox t'as disons une chance de gagner Darth Vader, mais est-ce que c'est 50% de chance ou 1% de chance? Donc ou .0000000000000 etc. Il y a des jeux au complet qui basent leur économie en fait sur ce principe-là. Moi-même, j'ai déjà joué à Counter-Strike et je vous dirais que les lootbox, c'est pas mal comme ça qu'ils rentabilisent leur serveur ultimement. Faudrait pas que le reste du monde suive pour ces pauvres compagnies. Effectivement. Fait que on vous watch Hawaii. On aime quand même trop les jeux vidéo pour que vous fassiez une erreur législative malgré vos bonnes intentions. sinon, on a appris aussi. Il y avait deux semaines, on avait appris que un des candidats républicains pour le Sénat, pour les élections de mi-mandat, c'est un nazi. Mais là, c'est pas genre je le traite de nazi, c'est quelqu'un qui s'autoproclame nazi. Bon, c'est dans un État où il n'y a aucune chance d'être élu, là. C'est un peu une raison pourquoi les républicains s'en sont pas trop occupés, mais c'est quand même... Ils ont quand même élu un nazi, come on! Pourquoi pas? On en avait parlé il y a deux semaines, mais là, j'ai aussi ri parce que là, il y a dans un autre État, en fait, mais au Michigan... Il y a quand même une chose à spécifier, c'est qu'il y a quand même eu des primaires. Oui. Puis ils ont quand même remporté. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens, on peut quantifier même le nombre de gens qui ont voté pour quelqu'un qui se déclarait lui-même un néo-nazi. Yep. On est rendu là au Trumpistan. Ouais. Puis, dans le même style de nouvelles, on a appris la semaine passée que, le candidat républicain au Michigan, lui se dit un libertarien. Puis, il a lancé cette magnifique idée que pour diminuer le crime, la criminalité dans les rues, il suffirait de distribuer gratuitement des fusées à pompe, des shotguns aux sans-abri. Comme ça, les sans-abri, ils se feraient plus respecter, il y aurait moins de crimes envers les sans-abri, mais en plus, les sans-abri sont où? Ils sont dans la rue. Fait que s'il y a du crime, ils vont pouvoir agir. Ce qui donnerait une merveilleuse suite au film Hobo with a Shotgun. Je le sais! C'est la réalité. Bon. C'est vraiment magnifique comme absurdité. Hein? Moi, ça me fait juste penser à la blague qui circulait sur Facebook dernièrement à propos de justement l'idée de donner des armes aux enseignants. Puis qui disait que justement, tu sais, que pas longtemps après qu'on ait parlé de ça, il y a eu vraiment un fait divers qu'un enseignant a déchargé son arme dans une classe. Il y a eu un élève qui a été blessé à cause d'un éclat d'arme. Puis la blague, c'était que il était blessé au cou, dans le fond, il y a eu un éclat de la balle qui a scratché le cou. La joke, c'était que si son cou avait eu une arme, on voit très bien qu'il n'aurait pas pu être blessé, ce jeune-là. Donc, ouais. Plus d'armes encore dans la classe. Mais c'est pas la même affaire. Là. On a des problèmes de guns. Hey, on va avoir plus de guns! Ouais. Mais bon, l'alt-right américaine, au moins, elle recule un peu. On a annoncé... c'est Richard Spencer qui est un peu un des chefs autoproclamés de l'alt-right, c'est-à-dire le mot poli pour parler des nazis aux États-Unis. Les nazis qui n'ont pas encore fait le coming out, mettons. Hein? Ouais, c'est ça. Il a annoncé qu'il va arrêter sa tournée, lui et sa gang. Il faisait une tournée américaine, des conférences partout. Puis bon, c'est un peu drôle parce que, Richard Spencer, pour dire une idée, vous donner une idée, c'est celui qui met de l'avant l'idée de faire un nettoyage ethnique pacifique aux États-Unis. Là. Je veux dire, c'est ça sa plateforme, là. En gros. Lui, c'est plus un fan du Hitler de jeunesse plutôt que du Hitler de... C'est ça. T'sais, on voit qu'il est nuancé puis tout, là. Ouais. Ça avait fait scandale parce qu'il y avait certaines de ses conférences, voilà un an et demi, qui avaient été annulées parce que, il y avait des antifas, des méchants antifas qui avaient été perturbés la chose. Puis il y avait beaucoup de gens chez les démocrates, les libéraux, comme ils disent... aux États-Unis, dont Paul Krugman, l'éditorialiste du New York Times, qui avait dit que ça n'a pas d'allure, la liberté d'expression, c'est quand même quelque chose de super important, puis il faut laisser ces gens-là s'exprimer, puis il faut essayer de dialoguer avec eux, puis de leur faire prendre conscience de qu'ils ont tort, hein, rationnellement. Puis suite à, justement, je parlais, Richard Spencer a annulé sa tournée, puis il a dit directement, il dit, parce que j'ai plus de fun à la faire. Il y a trop de contre-manifestations. Les antifas me laissent pas tranquille. Puis il y a eu aussi des photos qui ont circulé de lui dans des amphithéâtres dans lesquels il y avait 4 personnes. C'est un petit peu humiliant. Il y a eu cette semaine dans The Guardian, un analyste politique américain dans The Guardian qui disait, en réalité, peut-être que les démocrates, la gauche libérale, si on veut, faudrait qu'elle se regarde un peu le nombril puis qu'elle fasse un peu un mea culpa de... finalement, les antifascistes avaient peut-être raison. C'est peut-être la manière de gérer les nazis, les puncher d'en face, puis les empêcher de faire des conférences. C'est, ça marche peut-être, tu sais. Ben, c'est quand tu es en débat avec quelqu'un, veux pas, tu rends son point de vue acceptable parce que tu y réponds, tu sais. À un moment donné, c'est quand même comme banaliser ou normaliser ces discours-là à un moment donné. Là. Cela étant dit, il faut peut-être tenter de comprendre d'où vient le discours et peut-être que le dialogue est nécessaire dans ce moment-là. Absolument. Mmh. Faut comprendre les sources du problème avant de le puncher d'en face. Et voilà. Voilà. Bon. Faut lui expliquer pourquoi on le punche d'en face. plus proche de mes sujets à moi, il y a eu une start-up californienne qui a été lancée cette semaine qui s'appelle Netcom. Son but, en fait, c'est d'offrir un service d'encéphalocryogénie. Bon, en fait, l'idée, c'est de, on va te geler le cerveau parce qu'on a développé une méthode qui permet de geler le cerveau sans faire de dommages à ton cerveau. Puis, ben comme ça, éventuellement, si on trouve le moyen de faire du téléversement de la conscience, ben tu vas être sauvé. Ben en fait, tu seras peut-être pas sauvé parce qu'on sait pas encore si ça va être toi qu'on va téléverser ou si ça va être une copie des informations que tu avais sur ton cerveau. Il y a juste un problème qui empêche la start-up de faire ça, c'est que bon, pour faire ça, tu dois te faire geler le cerveau, donc mourir. Puis, le meurtre est toujours illégal en Californie. Bon. Des petits problèmes techniques. Là. Plus de guns, encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Bon. On avait parlé aussi, la semaine passée, j'étais pas là, mais Sébastien et Mathieu Plante, je les remercie d'ailleurs de m'avoir remplacé à pied levé. Vous avez parlé du scandale de Cambridge Analytica, l'entour de Facebook, puis je voulais revenir, pas tellement sur techniquement, là, qu'est-ce qui s'est passé, mais sur un peu les débats alentour de ça. Ça l'a fait ressortir un débat dans Le Devoir de cette semaine. D'ailleurs, il en parlait, il y a eu une entrevue avec Jocelyn McClure, qui parlait le droit au fort intérieur. C'est un débat qui, bon, ça commence à lever là, un peu à gauche, à droite. C'est quoi ça, en fait, le droit au fort intérieur? C'est comme, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que le droit à la vie privée. En fait, la vie privée, c'est quoi? C'est, bon, les informations dont on est nous-mêmes conscients, puis qu'on décide que, ben, ça n'a pas d'affaire à être public, ces informations-là, sur moi. Il dit le fort intérieur, c'est comme une coche plus loin, parce qu'en réalité, les informations que les algorithmes vont chercher présentement, mais là, c'est carrément des informations sur notre inconscient. Ces algorithmes-là peuvent savoir c'est quoi nos affiliations politiques. Disons, un entrepreneur qui aurait accès à ces informations-là pourrait savoir, finalement, est-ce qu'on a peut-être des tendances syndicalistes? C'est quoi notre orientation sexuelle? Nos émotions, etc. Puis bon, il y a un problème fondamental avec ça. Et bon, mettre une espèce de droit au fort intérieur pourrait justement limiter les informations que les GAFA, là, Google, Facebook, Amazon, etc., pourraient aller chercher. Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est le fameux fort intérieur, comme tu dis, c'est notre inconscient. Fait que c'est vraiment, c'est pas rien que savoir, mettons, nos préférences qu'on connaît, tu sais, comme j'aime bien les voitures, des choses comme ça. Non, c'est vraiment plus profond que ça. C'est je suis le genre de personne qui réagit de telle manière, qui réagit à telle sorte de stimulation, ainsi de suite. C'est beaucoup plus profond, là. C'est beaucoup moins. C'est quoi qu'on a encore moins de contrôle? Parce qu'à la limite, mettons que l'algorithme a décidé que, bon, OK, ouais, lui, il aime bien les autos, on va y mettre des pubs d'auto. Ben, tu sais, la fameuse pub, tu sais, elle influence quand même juste des trucs que j'ai pleinement conscience. Le jour où que les pubs sont plus subtils puis vont jouer plutôt dans notre. Avec nos affects un peu plus profonds, mettons, ben là, c'est qu'on n'a pas le même contrôle là-dessus non plus, parce que c'est, comme on le disait, c'est plus l'inconscient, entre guillemets. Là. Ce qui irait vraiment à contre-courant, en fait, parce que, si je me trompe pas, c'est à peu près le contraire que toutes les compagnies essaient de faire en ce moment, c'est d'interpréter visiblement les données et aller le plus loin possible dans notre personnalité, dans le but de nous satisfaire de toutes les publicités qu'ils peuvent nous projeter. C'est exactement ça. Il y a un gros problème avec ça, c'est que si on interdit ça, c'est que les données, en fait, ils servent à quoi? Principalement, c'est ce qui sert la collecte de données à développer l'intelligence artificielle. Sans collecte de données massive, parce que mes données, à moi, individuellement, ils ne valent rien. C'est la collecte massive de données qui a une valeur. Puis sans collecte de données massive, c'est impossible de travailler sur l'intelligence artificielle présentement, là, avec l'apprentissage profond, tout ça. Puis un des problèmes, c'est que si on met une législation qui serait trop forte, par exemple, pour empêcher la collecte de données, c'est que ben on viendrait d'assurer, ils sont déjà en avance, on viendrait d'assurer qu'un pays comme la Chine va avoir quasi le monopole de l'intelligence artificielle dans le futur, ce qui pourrait être dommageable pour, disons, par exemple, l'économie, si on se dit que, probablement que l'intelligence artificielle va avoir un rôle à jouer dans l'économie du futur. Un rôle à jouer dans à peu près tout. Absolument. Mais bon, il y a quand même encore des propositions en l'air qui sont peut-être, tu sais, modérées. Par exemple, une que j'ai vue, c'est qu'on pourrait interdire le stockage de données qui ont plus de 6 mois. C'est-à-dire, prenez les données, foutez-les dans vos machines, laissez les machines les travailler, mais après 6 mois, t'enlèves les données. De toute façon, la machine, l'intelligence profonde, la manière que ça fonctionne, c'est que tu donnes les données, puis la machine se programme elle-même en fonction des données. Donc, la programmation de la machine va exister encore, mais tes données, après 6 mois, n'existeraient plus. Mmh. Ça serait une espèce de compromis que j'ai vu passer, puis qui, a priori, me semblait avoir beaucoup de sens. Encore là, l'intelligence artificielle pourrait peut-être éventuellement avoir à réinterpréter des données déjà traitées dans le but de mieux les comprendre, comme un être humain fait. Éventuellement, on finit par se rappeler de nos propres mémoires. Ça permet de réévaluer, mais en même temps, ce processus-là d'apprentissage profond, il ne dure pas 6 mois, là. Ce qui fait qu'elle pourrait l'interpréter plusieurs fois en dedans de ça, puis ça permet de voir l'évolution. Puis... Exactement. Aussi, un débat qui est semblable à ça, parlant du fort intérieur, c'est bon, il manque beaucoup d'informations, puis malheureusement, c'est encore les Google et Facebook de ce monde qui se lancent dans ces recherches-là sur les données génétiques des gens. Puis, un gros problème, c'est que ce qu'ils font souvent, c'est que si Google te dit « Hey, on aimerait savoir tes données génétiques, ça te tente-tu? » Les gens vont « Non, ça ne me tente pas de donner mon ADN à Google parce qu'eux autres vont faire des recherches là-dessus, puis après ça, ils vont faire de l'argent avec ça. » Ils vont me cloner. Ouais, c'est ça. donc, ce qu'ils font souvent, c'est justement, tu sais, des petits kits. On a tous vu passer ça quelque part, un petit kit là. « Hey, commande-les, c'est gratuit. On va analyser ton ADN, puis après ça, on va t'envoyer ton profil génétique. » Puis, wow. « Ah, wow, ton ancêtre commun avec le reste de l'humanité, le plus loin, c'était qui? » etc. Donc, finalement, les gens payent pour finalement donner à une sous-firme de Google leurs données génétiques. C'est l'histoire de l'informatique moderne, en fait. Notre géolocalisation en tout temps, nos photos dans le nuage, l'ensemble des données qu'on leur donne, finalement. Si on nous avait posé cette question-là, il y a 30 ans, un chèque en blanc de toutes les données qu'on leur donne actuellement, jamais personne n'aurait accepté. Et en ce moment, on paye pour, littéralement. C'est merveilleux. C'est ça. On se demande présentement qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos données, comment ça devrait être protégé, mais on devrait peut-être se questionner, est-ce que c'est normal que nos données aient besoin d'être protégées? En fait, ce que j'ai lu justement dans la littérature sur le droit au fort intérieur, c'est qu'ils disent qu'en fait, même quelqu'un là, qui aurait vraiment pris le temps de lire les conditions d'utilisation de Facebook, mais cette personne-là ne sait pas plus qu'un autre c'est quoi les données qui sont récoltées sur elles, puis qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là. Donc, finalement, il y a une espèce d'incohérence dans l'information auxquelles nous-mêmes on a accès. L'argument que, oui, mais on a consenti à ce qu'ils collectent nos données quand on a coché pour s'inscrire sur Facebook, cet argument-là tombe à l'eau. Puis même là, cet argument-là, ça fait longtemps qu'il était tombé à l'eau de toute façon, parce que j'avais vu un truc, là, ça me revient pendant que quand tu parles là, que, en fait, c'était quelqu'un qui avait calculé, puis là, on parle de quelque chose, là, de début des années 2000, là. Dans les balbutiements de Facebook, là. Que si, mettons, à l'époque, je pense que c'est une affaire, je dis début des années 2000, mais c'est peut-être de quoi comme 2008-2009, un truc comme ça. Puis c'était une recherche que quelqu'un avait faite qu'en moyenne, le nombre de fois que quelqu'un coche un « j'accepte les termes et conditions », s'il calcule tout le temps que ça devrait prendre à quelqu'un, à un lecteur moyen, de lire toutes les fameuses termes et conditions, ben dans une année, on a besoin de plus que 365 jours pour faire ça. Parce que c'est tellement long à lire que si vraiment on prend la peine de toutes les lire, celles qui se prêtent à nous, à toutes les... tu sais, là, il y avait un calcul là, du nombre moyen, puis avec les mises à jour de, mettons, de Windows, mais c'est tout. C'était ridiculement long, en fait. Fait que, tu sais, c'est un peu en même temps, ça déculpabilise le fait d'on se dit, ouais, faudrait peut-être que je prenne la peine de les lire, puis tout. Personne ne le fait. Personne ne le fait, puis c'est pas pour rien. C'est que c'est quasiment de l'obstruction, là, rendu là, à quel point c'est abstrait, puis que c'est pas clair. Et, rendu là, il faudrait presque une législation pour que les conditions d'utilisation des affaires aient une longueur maximum. Et soit beaucoup plus clair en général. Est-ce que ça a besoin d'être si long, en fait, pour nous dire on collecte toutes les données que vous nous donnez sur vous? Ouais, c'est ça, ils vont servir à la pub. Non, ça n'a pas besoin d'être si long que ça. C'est t'as juste à le spécifier. Je veux dire, un exemple bien niaiseux, les autres, on parle justement de collecte de vie privée puis tout ça, ben une des choses, c'est nos téléphones. Quand une application vous demande le droit de faire quelque chose sur votre téléphone, elle vous le demande, quand, tu sais, elle n'a pas un paragraphe extrêmement long, elle vous demande pas un paragraphe extrêmement long pour vous expliquer qu'elle a besoin de votre position géographique pour fonctionner. Position géographique, oui, non. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, c'est un modèle qui existe en plus. Il faut comprendre aussi le modèle de rentabilité des compagnies qui collectent des données. Souvent, les Facebook et les Google de ce monde, leur rentabilité se dégage de la vente de nos données dans des buts publicitaires, littéralement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, s'ils n'ont plus accès à ces données-là, eux qui offrent des services gratuits, finalement? Il y a même un marché deuxième de ça, parce qu'en fait, le revenu, c'est aussi le revenu publicitaire qui découle de ça. Tu sais, combien de services on utilise présentement, tout le monde, tu sais, juste une affaire, Spotify. Le revenu de Spotify, est-ce que c'est les gens qui s'abonnent ou c'est plutôt les revenus de pub? Les revenus de pub, j'ai pas vu les chiffres, mais les revenus de pub, c'est pas marginal, là. Ils font autant d'argent avec le monde qui s'inscrive que le monde qui s'inscrive pas. Puis combien de services fonctionnent comme ça? Juste le fait de mettre la bannière de publicité Google dans le haut, c'est là qu'ils font leur argent, là. Un monde de publicité. Il y a de la publicité. Ben tu sais, c'est un exemple de tu sais, ceux qui ont vu Minority Report, là, mon trip de citer des vieux films que je trouvais. Alors, il y a une nouvelle série, fait que tu peux faire semblant que t'es plus jeune. Oui! Elle est bonne en plus. Je l'ai écouté quand elle est sortie sur Netflix. Tu sais, j'ai encore fake it d'être jeune, c'est le fun, hein? Meme. Jeune de cœur, jeune d'âme. Mais ouais, c'est ça. Non, les tu sais, dans Minority Report, là, ils ont vraiment des pubs, là, c'est des espèces d'hologrammes, là, puis ils détectent là, avec les gens. Là, eux autres, ils marchent avec les scans rétiniens, mais tu sais, maintenant, nous autres, ça serait avec les téléphones intelligents, parce que oui, le film est sorti avant le premier iPhone, là. Mais eux autres, c'est avec des scans rétiniens. Tu rentres dans un magasin, puis tu as un hologramme qui te pop d'en face avec des publicités qui sont pensées pour toi. Fait que c'est la même affaire, dans le fond, là. Ça fait longtemps que c'est prévu, ça, là. Fait que là-dessus, je pense qu'en fait, on va aller dans une autre galaxie avec Galaxy et la chanson Magie. Donc, c'était Galaxy avec Magie. Mon Dieu, que c'est buzzant, cette band-là. Ça n'a pas de bon sens. Effectivement. Hey, parlant d'affaires buzzantes, on ramène un oldie but a goldie. Hein? Les top 3,5. Oh, wow. Hey. Wow. Fait que c'est ça, hein, la demande générale, ça faisait une couple d'années qu'on n'avait pas fait. Dans un épisode, il y a quelques semaines, je n'ai fait un parce que on me tentait, puis on s'est fait dire qu'on a eu des bons commentaires. Fait que on recommence. Cette semaine, top 3,5 des réactions à la candidature de Vincent Marissal dans Rosemont. Donc, pour donner un peu de substance. Mais Vincent Rosemont, Marissal, c'est le comté de Jean-François Lisée, je pense. Ben oui. Ah. Donc, pour qui se présente Vincent Marissal? Soit dit en passant, c'est pas encore. Officiellement, l'investiture n'est pas faite, ainsi de suite, mais bon, on sait que ça va être lui. Il se présente pour QS, en fait. Ouais. Personne n'avait vu venir que Marissal était un dos de QS. Un dos, il est dans le mot. Ouais, ouais. Un dos de QS, ouais. Un woke bay. Marissal, mon woke bay. Bon, donc, sans plus tarder, les réactions des péquistes quand ils ont entendu parler de la candidature de Vincent Marissal. Le numéro 3, le raisonnement suivant, on l'a entendu pas mal, il travaillait à la presse. La presse appartient au Desmarais. Fait que c'est clairement un agent infiltré du PLQ qui vient détruire la civilisation occidentale. Ben, comme tout le monde chez Québec solidaire, je pense. Effectivement, c'est exactement le but. D'ailleurs, mettons, c'est comme un point 3.1, là, on va dire. C'est aussi un poodle. Moi, je l'ai pas compris celle-là, mais apparemment, c'est un poodle. Le chien, ça? Ouais. Ah. Ouais. C'est comme le poodle des Desmarais. Mais... De toute façon, on le sait. Il ressemble, oui. De toute façon, on le sait, Pécopé nous l'a dit il y a deux semaines. De toute façon, la presse finance l'État islamique. Hein? Ah, ben oui. On voit tout de suite le lien. Évidemment. Québec solidaire, État islamique, ouais, et puis la presse, la même gang. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le Journal de Montréal finance, je sais pas, les Rednecks de Québec. Anyway, le numéro 2, l'habituel. Tu vois, c'est un fédéraliste. Il se présente pour Québec solidaire. Aha, celle-là, en fait, n'est pas si drôle. Elle est drôle avec le numéro 1 qui est le big, big, big winner. Ouais, mais ça va diviser le vote souverainiste dans Rosemont. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est l'éternel. Hein? QS sont fédéralistes et hein, ils divisent le vote souverainiste. C'est ça. Les deux. Hein? C'est aucune incohérence là-dedans. Non, ça coule de source. Puis, ben, la mention spéciale, évidemment, c'est Lisée qui réalise ben, qu'il est dans le trouble. Parce qu'au lieu d'être un poteau ex-UQAMien récemment débarqué du conseil d'administration de l'AC, il y a un des journalistes politiques québécois les plus connus contre lui. Irrespecté, je dirais. Irrespecté. Parce que, je veux dire, C'est drôle parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Jean-François Lisée, avant son saut en politique dans les années 90, était journaliste. C'était un journaliste politique. C'est, ce qui me fait quand même poser la question, pourquoi est-ce que Vincent Marissal a choisi Rosemont alors qu'il aurait probablement pu avoir une circonscription où il pourrait rentrer plus facilement? Car Jean-François Lisée sera certainement pas si facile que ça à abattre non plus. Sa réponse a été « ben j'habite là ». Ah, ben c'est une bonne réponse. Ça a quand même un peu de sens. Mais bon, c'est normalement, ils peuvent bien choisir leur circonscription quand c'est un candidat vedette. Ben ouais, c'est ça. Ben, puis moi, je trouve que c'est quand même ça fit parce que contre le chef, ben soit tu mets un poteau justement parce que tu dis que le chef va passer, ou quand la circonscription du chef est prenable, ben oui, tu mets un candidat d'égale valeur. Là, je veux dire, Lisée puis Marissal, c'est quand même, moi, je trouve que ça risque de donner une belle campagne, en fait, dans ce comté-là. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce comté-là, tous les partis sont dans la marge d'erreur. Mm-hmm. Donc, on sait vraiment pas qui est-ce qui rentre. Ça va être haut. Ça peut être le parti rhinocéros. Oh my God! Et ça devrait avoir une... encore, en fait, le parti... Non, c'est au fédéral, le parti rhinocéros, hein? Au fédéral ou au provincial? Je sais plus. Je pense que c'est au fédéral. Je... C'est peut-être aux deux, en fait. Recherche oblige. Ouais, faudrait... Tu vois, c'est ça, hein, le réseau communautaire, les recherchistes, ouais. N'a pas ça, nous autres. Donc, c'est nous autres dans un bar deux heures avant l'émission. Donc, c'est ça. Ben, c'était ça. Je pense qu'on va aller prendre la pause tout de suite. Hein? On vous revient. On se voit de l'autre bord de la pause avec le budget et d'autres affaires, là. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission érotico-trotskiste sur les ondes de C'est fou 89.1. Avant la pause, on jasait de la candidature de Vincent Marissal du droit au fort intérieur. C'est ce qu'on a un peu plus parlé dans le tour de table. Et ben, plein d'autres choses, en fait, pendant le tour de table. Le petit « oh », vous avez entendu quand j'ai parlé de trucs érotiques et trotskistes, c'était Maxime André qui est notre... ouais, qui est, c'est toi, qui est notre invité spécial cette semaine. En fait, c'est vraiment un add-on. Là. C'est, en fait, tu me demandais avant l'émission comment que j'allais te présenter comme ami de l'émission, j'imagine. Bien jaser, rire. J'ai bien des amis. J'ai bien c'est des ça. Amis. Fait que c'est maintenant l'heure de la chronique fiscale. Donc, c'était jour de budget. Mardi, jour de budget. Au provincial, budget l'État 2018, faut qu'on en parle, pas le choix. Moi, une chose avant qu'on embarque vraiment dans le sujet, j'ai un sujet méta, en fait, par rapport à ce budget-là, c'est la stratégie de PR qui est un peu spéciale, en fait. C'est que, contrairement à l'habitude, où on a un paquet de mesures d'annoncer dans un budget, ce coup-là, en fait, le PLQ ont choisi de péter leur punch la semaine avant. C'est-à-dire que les grosses affaires, les gros points de discussion, ils en ont parlé avant, ils n'ont pas tout chiffré, évidemment. On dit les chiffres vont venir la semaine prochaine quand on va déposer le budget, mais dedans, il va y avoir, en gros, conciliation famille-travail, REM, réinvestissement santé en éducation. By the way, le REM va vraiment arriver puis tout. Bon, c'est là que, justement, Jean-François Lisée a commencé à parler de son idée bizarre par rapport à ça. Mais... rapidement, en fait, le REM, Réseau Express Métropolitain, ça va être un nouveau train rapide, automatisé apparemment, qui va desservir là, principalement l'ouest de l'île et la partie, là, le coin là, de la Rivière des Prairies et ainsi de suite de ça. Là, en fait, je dis Rivière des Prairies, mais plus deux montagnes et ainsi de suite. Et d'un autre côté, il va y avoir l'autre bras qui va aller vers la rive sud de Montréal, là, via la 15 à peu près. Ça a été même présenté, puis ça d'ailleurs, Lucas, je pense que ça avait de quoi te préparer après pour les questions de conciliation travail-famille, mais en fait, ça a été présenté comme en soi comme une genre de mesure conciliation travail-famille en même temps, parce que moins on passe de temps derrière le volant, plus on a de temps avec notre famille, apparemment. Ça a du sens. Ça a du sens. Comme je disais, le PQ a eu des oppositions à ça. En fait, Jean-François Lisée a dit que lui, il ferait d'autres choses, mais il a vraiment pas proposé de quoi. Il ferait pas d'autres choses, il ferait mieux. Il ferait mieux. On sait pas quoi, là. Mais c'est toujours mieux. C'est... Ouais, ben, moi, c'est... mais tu sais, on dit... un point. Ouais, mais en même temps, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit le mieux. Fait que, hein? N'entendez pas celle-là? Complètement bouché. Ah, ça, c'était vrai, hein? C'est, écoute, ma maîtrise de la rhétorique t'a confondu. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, il y a un problème, c'est qu'il y a déjà des fonds qui ont été alloués par la Caisse des dépôts et de placement. En fait, on parle de 3 milliards, parce que c'est un projet qui, à terme, va coûter 5 milliards à faire. Là. C'est quand même une grosse affaire. Là. On va en parler longtemps de ça avant qu'il soit fait. Il y a des conséquences si on annule le rendu là. Entre autres, le tramway de Québec, pour son financement, dépend de, du financement relié à ça. En fait, c'est dans la même enveloppe. Tramway de Québec, soit dit en passant, apparemment, si on se fie aux radios de Québec, personne veut ça à Québec, mais... C'est drôle, mais c'était je vois pas de manifestation. C'était Québec était, avant qu'ils annoncent ça, là, la seule ville de 200 000 habitants et plus en Amérique qui n'avait pas de transport en commun structurant. Hmm. Hey, come on! Embarque dans le train à un moment donné. Ils aiment le char, ils aiment le char! Ah. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que les radios XE ne représentent même pas la majorité de l'opinion publique à Québec, en fait. C'est ça qui est paradoxal. Non, ils représentent celle de Lévis. Non, c'est excusé. Hein, comme on dit... mes taxes, mon char Metallica. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, c'est comme je disais direct là, en fait, ça se voulait un budget sous le signe de la culture. Non, c'est pas vrai. Sous le signe de la conciliation travail-famille. Fait que, Lucas, tu voulais parler un peu là, des nouvelles politiques. Là, Oui. Ben, ce qui est intéressant avec la conciliation, la portion conciliation travail-famille du budget, c'est honnêtement intéressant, puis ça me fait bizarre de lancer des fleurs au PLQ. Faut vraiment qu'on soit en année électorale. l'idée principale là-dedans, c'est de prendre les congés parentaux, puis de permettre aux gens de répartir ça sur 2 ans. En gros, ça va permettre aux familles, aux gens, soit aux parents ou à la mère qui vont prendre les congés parentaux, de faire un retour progressif au travail. Donc, au lieu d'être « bon, ben tu prends 12 mois », ben, t'as 12 mois de vacances, puis après ça, go, tu rentres à temps plein, ben, ils vont pouvoir faire comme, OK, ben là, hein, je commence à avoir un peu d'énergie, le bébé commence à faire les nuits, fait que, OK, je vais, cette semaine, je vais venir rentrer 1 journée, 2 journées, et bon, etc. On sait c'est quoi un retour progressif au travail. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'ils vont permettre de garder une banque de congés dans ces congés parentaux-là, des journées qui n'auront pas été prises puis qui vont pouvoir être prises pendant 3 ans comme des congés de maladie, par exemple. Si l'idée, c'est que tu te lèves un matin puis merde, ton enfant est malade. Si tu as déjà pris, toi, tes congés de maladie parce que toi, tu es malade, ben, ça t'en fait plus. Hein? Mm. Fait que bon, je crois honnêtement, c'est des très bonnes mesures. C'est sûr qu'on peut rouler les yeux un peu quand on sait un peu le justement, on a suivi un peu ce qui s'est passé avec le PLQ dans les dernières années. Là. Je veux dire, des couples qui ont fait mal aux familles, qui ont fait mal à la conciliation travail-famille, il y en a eu. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'un peu hypocrite là-dedans. Je lisais Gérald Filion qui disait à Radio-Canada qu'il y a quelque chose d'un complètement stupide dans le fait d'avoir un discours qui est complètement catastrophiste pendant 3 ans. Hey, deux ans et demi, mettons. Deux ans et demi. Les cadeaux ont commencé l'année passée. Là, mais... ouais. Pendant 2 ans et demi, là, hey, les finances publiques, on s'en va dans le mur. L'État va faire faillite. Ça va être la décote. On n'aura plus les moyens de rien avoir. On va être payé avec la Grèce. Puis ouais, la Grèce, ce qu'il disait, là. Puis, du jour au lendemain, c'est « Hey, on a eu une gestion saine des ressources publiques, puis là, on va réinvestir massivement. » Puis, ce que Gérald Fillon disait, là, c'est en fait la hausse du budget auquel on a droit, c'est la plus haute hausse du budget de l'histoire du Québec. Fait que c'est pas rien. Puis, ben, je pense que les gens mordent pas à l'hameçon. J'ai l'impression que le taux de change pour le capital monétaire en capital politique est plus bas qu'il l'est d'habitude. Ouais, c'est qu'une des affaires, le PLQ ont beaucoup d'impopularité à gérer. On les a vus peu aussi impopulaires que ça. Puis c'est qu'une des choses, ben même on en parlait avant l'émission, ils ont entre autres les infirmières. En fait, tout le personnel non-médecin des hôpitaux, du système de santé, je dis les infirmières parce que c'est vraiment eux autres qui sont peut-être le fer de lance de ce mouvement-là, mais tous les professionnels du système de santé sont derrière eux autres. Même, je dis les médecins, mais une bonne partie des médecins sont quand même d'accord avec ça. Quand c'est rendu qu'il y a des associations de médecins qui réclament d'avoir des plus bas salaires qu'ils en ont présentement... Faut le faire. Faut vraiment le faire. Là. On voit rarement ça. Là, ça. Je pense que c'est assez évident que le PLQ actuel, c'est vraiment au lieu de s'appeler le Parti libéral, devrait plutôt s'appeler le Parti médicinal peut-être du Québec. Ooh. Un truc comme ça, parce que c'est vraiment un parti qui, on dirait qu'une grosse partie de leur une grosse partie de leur souci, en fait, c'était d'améliorer les conditions de travail de la classe de travailleurs probablement les mieux déjà les mieux rémunérés au Québec, c'est-à-dire les médecins. Parce que c'est vraiment l'impression qu'on a, même les réformes Barrette. Puis d'ailleurs, peu importe l'argent que tu mets dans un budget, ça va pas annuler les réformes Barrette du jour au lendemain. Là, la fameuse loi 20 qui démolit complètement les conditions de travail, pas juste les conditions monétaires, mais les conditions dans lesquelles le travail du personnel soignant ont lieu. Là. Ça s'achète pas là, à maner des heures de sommeil. Là. Ben, j'écoutais, je crois que c'est la semaine dernière, Michel Séauger, qui avait une phrase qui m'a bien marqué. Il disait un des gros problèmes avec le gouvernement Couillard, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la politique au Québec où on regarde les membres du gouvernement et qu'on voit d'abord, avant de voir le politicien, on voit d'abord la profession de laquelle ils sont issus. On voit d'abord des médecins avant de voir le ministre de la Santé, avant de voir le premier ministre. Puis ça démontre à quel point le problème est gros, là. Parce que qui ici savait que, ben en fait, nous on le sait, mais tu sais, Jean Charest, il n'y a personne qui pensait à lui comme « Ouais, c'est un avocat, puis ça donne qu'il est premier ministre. » Non, non, c'est le premier ministre, puis ça donne qu'il a fait son droit, là. c'était un politicien, Jean Charest, dans le temps. Prenez n'importe quel, même, on parlait justement du fait tantôt que Jean-François Lisée, c'était un journaliste avant d'être en politique. Qu'il savait avant, tu sais, on a tendance à oublier ça. On le voit vraiment comme un chef de parti, mais si on regarde en plus, les médecins n'ont pas nécessairement la cote dans l'opinion publique, il faut le dire en ce moment. Alors, en plus d'être jumelés à leur titre de politicien, de premier ministre et de ministre et tout, ben, ça annonce flatteur, quand même. Effectivement. Puis ce qui est peut-être en quelque part rassurant, c'est que ça. Peut-être que ça va être la dernière claque à cette vieille garde-là de s'en aller. Puis je suis conscient que le ministre Barrette est relativement nouveau au PLQ, mais c'est quand même, il incarne quand même une espèce de vieille garde. Je veux dire, Philippe Couillard, je veux dire, textbook, là. c'est un exemple textbook de vieille garde. Ouais, mais ils sont rendus à 11, qui ont 11 députés qui ont annoncé qui ne demanderait pas un prochain mandat. Donc, puis des gros noms, là, Jean-Marc Fournier, par exemple. Mm-hmm. Qui disait lui-même, qui avouait lui-même qu'il était une vieille garde puis qu'il fallait qu'il y ait du 109, puis que si la vieille garde restait là, le 109 peut pas prendre le devant de la scène. Là. C'est un peu encourageant en même temps, parce que tant qu'à être pris avec le Parti libéral, on aimerait mieux au moins avoir la meilleure version possible du Parti libéral. Puis, Un parti néolibéral! Humour méta! Mais ouais, c'est ça, ben, tu sais, on pense à des ministres comme Dominique Anglade, entre autres, que on aimerait peut-être ça l'avoir prendre plus de place, tu sais, que peut-être que le Parti libéral reflète plus ces libéraux-là, ces jeunes libéraux-là qui, en quelque part, reviennent peut-être un petit peu plus aux racines du Parti progressiste qui était le Parti libéral à une certaine époque, que nous n'avons point connu nous-mêmes de notre vivant, mais qui fut néanmoins. On l'a appris à l'école tout de même. Hein, on l'a appris à l'école, oui. Ouais, dans les contes pour enfants, dans les livres d'histoire. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut aller en musique un peu. Hein? Oui, on va y aller avec Machine Géante avec Coma. Donc, c'était Machine Géante avec Coma. Oui. Fait que là, ben en fait, on se disait qu'on allait peut-être parler de... On a décidé quoi, finalement? Ben, on va faire un politique fiction. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait ça. Je vais parler de H.G. Wells, qui est un des premiers auteurs de science-fiction après, disons, Jules Verne, hein? Il a écrit plusieurs livres connus qui sont plus ou moins lus aujourd'hui, mais dont les gens connaissent parce que, bon, on fait plein de films là-dessus. Il a fait La machine à voyager dans le temps, il a fait L'homme invisible, il a fait La guerre des mondes. Puis bon, il est intéressant comme personnage en tant que tel parce que lui-même, bon, était un socialiste là, fin 19e siècle, début 20e. Donc, il a vu un peu, tu sais, tous les courants un peu dégueulasses. Genre l'eugéniste, tout ça, se profilait autour de lui. Puis bon, ses livres étaient souvent en réaction à ça. Il est vu un peu habituellement comme le père de la socio-science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction qui fait pas juste regarder le côté technique puis science, mais qui regarde aussi, ouais, mais attends, au niveau des humains, ça va faire quoi, cette technologie-là? Contrairement à ce que Jules Verne faisait finalement, qui lui était juste de la hard sci-fi, là, c'est-à-dire le côté science-fiction, si on explore une technologie. Il y a une exception pour Jules Verne qui est... il a écrit un roman qui n'a pas été publié de son vivant, qui a été publié parce que les gens... la personne qui publiait a refusé, c'était Paris au 21e siècle, genre à notre époque. Puis là, ce qui est drôle, c'est que c'est, de notre point de vue maintenant, c'est du rétrofuturisme, là. Ce qui est très drôle. Mais il y avait beaucoup de social là-dedans, mais justement, vu que les éditeurs n'ont pas voulu le publier, mais c'est quelque chose d'intéressant à posteriori d'écouter ça. Parenthèse intéressante, Jules Verne a même écrit, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Famille sans nom, qui est à propos de la révolution des patriotes au Québec. Ouais. En fait, Jules Verne a fait un grand voyage en Amérique à un moment donné où il est allé pêcher l'inspiration de plusieurs de ses livres. Entre autres, il a écrit 20 milieux sous les mers pendant la raide de bateau en s'en venant en Amérique. Parce que les avions n'étaient pas inventés à cette époque-là. Puis, sauf dans les écrits de Jules Verne, justement. Puis c'est ça, il a rendu ici... en fait, c'est qu'il avait toujours lu, c'était un intérêt personnel, il avait toujours été féru d'histoire. Puis il était intéressé par l'histoire de la Nouvelle-France, entre guillemets. Donc, il est venu passer là, plusieurs mois en Amérique, puis une grosse partie de ça a été en fait occupée par des recherches historiques au Québec sur toute la révolte des patriotes, ces choses-là, puis ça en a donné un roman qui s'appelle « Famille sans nom », qui est très peu connu. En fait, il n'est plus édité. Moi, j'ai la chance d'avoir une édition, pas originale, mais qui date beaucoup, là. Okay. Une édition des années 60, là, mais... C'est vraiment incroyable, c'est une découverte que tu me dis là, ça. Il est rendu libre de droit, en fait. Fait que, ça va le trouver en pas cher, pas cher. Sur Internet. Yeah. Mais bon, je reprendrai peut-être sur H.G. Wells. Ouais. Je vais vous parler rapidement de trois œuvres. Juste pour dire c'était quoi les influences de Wells. Le premier, La machine à voyager dans le temps. On a tous un peu entendu parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la thématique là-dedans. Bon, il arrive dans un futur extrêmement éloigné. Puis là, il réalise que, ben, en fait, les humains qu'il voit, c'est des espèces... c'est presque un peu... Aujourd'hui, on dirait presque des elfes. Ils sont comme un peu gamins, fragiles. Ils font rien, sont oisifs, sont un peu idiots, etc. Puis bon, au fur et à mesure que le roman avance, on réalise que sous terre, il y a une autre espèce humaine qui vit, qui s'appelle les Morlocks. C'est un peu comme les méchants. Puis qu'on se demande comment ça se fait que l'espèce humaine s'est divisée en deux espèces comme ça. Puis bon, dans le livre, ce qu'on finit un peu par comprendre, c'est que la révolution industrielle a été tellement trash que la bourgeoisie, justement, a continué à être oisive, mais à servir à rien faire, etc., jusqu'au point où, bon, la bourgeoisie s'est reproduite ensemble. Elle a évolué en conséquence. Elle a évolué en conséquence au point de devenir justement oisive, stupide, mais jolie. Hein? Une espèce de... En fait, ils sont devenus une espèce de bétail rendu là. Ouais. Puis bon, les Morlocks, en fait, c'est les prolétaires qui avaient pas accès, qui ont plus accès à l'extérieur de la Terre, qui font juste travailler dans le sous-sol. Puis bon, ils savent plus trop pourquoi. Puis ils ont eux-mêmes aussi un peu... Ils ressemblent à des orques, là, quand ils décrivent, là. Ils sont devenus des espèces... En fait, ils se mettent à ils ont... ils idolâtrent un peu les anciennes machines qui restent, puis des choses comme ça, là. Mm-hmm. Donc, c'était à la base un espèce d'ode au socialisme qui viendrait peut-être nous éviter cette dystopie lointaine. Mais ensuite, bon, ça, c'est un peu connu, hein? Ce que je savais moins, par contre, c'est pour L'Homme invisible et La guerre des mondes. L'Homme invisible, en fait, c'est un manifeste contre le libertarianisme. En fait, L'Homme invisible, c'est quoi l'histoire? C'est un dude qui veut devenir invisible, puis qui réussit, bon, puis qui se dit « Crime, enfin, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je suis... » les gens ne me verront pas, je peux voler, je peux, peu importe, aller dans les vestiaires, regarder les gens changer, je peux faire absolument tout ce que je veux, c'est beau, la vraie liberté, enfin, enfin. Mais finalement, c'est quoi qui arrive dans ce roman-là? C'est que, bon, il a besoin d'aide. Ce type-là, il a besoin que la police vienne l'aider parce qu'il y a finalement des gens qui l'attaquent. Il a besoin il a besoin d'argent, que le gouvernement prenne soin de lui, etc. Mais finalement, il est invisible. Fait que personne ne peut venir l'aider parce qu'il a choisi lui-même de devenir invisible puis que finalement, il n'est qu'un laton, fuck la collectivité. Il peut tout faire lui-même, il n'a pas besoin de personne, il est un self-made man. Mais en fait, non, il est invisible puis il se rend compte lui-même que sans la société, il ne peut rien faire. Hein? L'homme n'est rien par lui-même. On ne l'aurait pas deviné. Dans tes dents, Ayn Rand. La guerre, ouais, effectivement. La guerre des mondes, maintenant, il y a aussi un message politique là-dedans. Puis ça, j'ai été surpris. Puis ça a beaucoup de sens à posteriori. En fait, c'était, il a écrit ça au début du 20e siècle, alors que, bon, c'était la grande mode de l'eugénisme. Hein? L'idée selon laquelle il y a des êtres humains qui sont supérieurs aux autres, fait qu'on devrait laisser les autres crever puis juste essayer de faire une race supérieure entre blonds aux yeux bleus. Hein? Ben, en fait, lui, la guerre des mondes, son idée, c'est de dire « OK, mettons là, qu'on accepte votre raisonnement. Là. La race supérieure doit survivre puis soumettre les autres. OK, ben on fait quoi s'il arrive des aliens qui sont supérieurs à nous? C'est-à-dire, selon votre propre logique, vous devriez accepter que, oh well, la race alien est plus forte que moi, est supérieure à moi. Fait que, OK, je vais devenir un esclave. Fait que c'est une espèce de réfutation de l'eugénisme par l'absurde. C'est, on le voit pas trop dans le film de Tom Cruise, là. C'est ça, je m'en ai dit, c'est une réfutation par l'absurde et par Tom Cruise. Mais, ouais, à la qui base... C'est un peu la même chose. Ouais, c'est encore... C'est vrai que Tom Cruise est rendu absurde pas mal. Bon, bon. Mais, hein, on le salue. On l'émission, salue. Tu sais quoi? Tom Mais... Cruise ou Wells? Les deux. OK, ben oui. On l'invitera en même temps. Un groupe d'amis à l'émission. C'est ouais, ça. C'est ça. C'est, on est comme, la petite émission, là, à Radio-Canada, là. La soirée est encore... ça, là. Fait qu'en tout cas, à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. La soirée est à la semaine prochaine, c'est ça. Ben, c'est donc, ça fait le tour. Un grand homme qui a dénoncé des mauvaises choses, puis a promu la venue du grand soir un jour. On l'attend toujours. Voilà. Fait que c'est déjà tout pour aujourd'hui. Oh si non. Vous en auriez pris plus, si vous en aviez pris plus, hey, j'ai honte à moi, les séries n'aiment pas les raies. On va être en rediffusion samedi à 11h et sur notre page Facebook à un moment donné en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Vous pouvez aussi suivre notre ami Maxime à Facteur Matinal sur cette petite radio régionale. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Radio-Canada. Restez aussi à l'écoute parce qu'après la pause, c'est très blues assez fou avec Denis Baudin et compagnie. Et vous pourrez toujours nous revenir la semaine prochaine, jeudi 18h, pour une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission Politico-Coquine sur les ondes de C'est fou 89.1. Bonne semaine!